Dieu commence à son œuvre de salut dans l'ère de la grâce. Après la fin de l'ère de la loi, la première incarnation racheta l'homme du péché par la chair de Jésus-Christ. Il sauva l'homme de la croix. Mais le tempérament satanique de l'homme perdura. Dans les derniers jours, Dieu juge. Pour purifier l'homme, c'est seulement quand cela sera fait qu'il achèvera son œuvre de salut et entrera dans le repos. Il vit parmi l'homme, subissant sa souffrance, donnant à l'homme sa parole. Tout ce que l'homme peut toucher est la chair incarnée de Dieu. Par lui, l'homme peut recevoir le salut, comprendre toute parole et toute vérité. La deuxième incarnation suffit pour purifier l'homme, complétant ainsi toute l'œuvre et le sang. Son incarnation, l'œuvre de Dieu dans la chair, se terminera alors, il ne s'incarnera plus. Après cette incarnation, son œuvre dans la chair et le salut cesseront. Car il aura divisé l'homme et gagné son peuple élu. La deuxième incarnation délivrera les pardonnés. Leurs tempéraments changeront et eux seront purifiés, se libérant de l'influence de Satan. Ils retourneront au trône de Dieu. Oui, c'est la seule voie pour être pleinement sanctifiés.